Salut les nouveaux voyous. Voilà, on a connu la rue en 2017, hein. On prend pour des gros bonnets, hein. Comme des grosses tapettes. On connaît vos CV, ou voilà. Chez El Kalash. La rue nous a dit de la bonne nouvelle du vol. T'as pris des tours d'éclair, on vit dans la salle de l'éclair. Et faire moitié du village, nous sommes pas dans l'hiver. Seul le sourire de la madre pourra canaliser. Au poignet un Clio 3, on connaît pas les SA. Capuché dans le RS3, vite un dé, t'inquiète, le monde d'argent verrait ça. Le million, y'en a qui l'ont, y'en a qui rêvent, d'autres qui charbonnent pour. Donc par là pour rigoler, d'ailleurs j'suis pas d'humeur, garde ton humour. J'suis un bateau avec mes semblables, on pense à barber sans plaque. Ces salopes se plaint, mais j'ai pas son temps à mon cul, y'a la braque. Braque, brasse, brasse, mon petit frère grandit et le temps passe. J'arrête le rap que pour un gros casse, tout le monde à terre. Chaud tasse, grammes de rebut calé dans le son casse. Le rap ne paye pas, faut des grosses casses. Tu fais la belle, je vais baffer ton gars. TTM, tiens, c'est pas les motards. Du coup, y'a les bleus devant la tour bleue. Mais je suis mon gars dans la tour verte, je ressors tout frais, t'as parlé, mais j'ai tout fait. La rue nous a soudé, l'argent nous a divisé. T'as fumé ton ex-frère au guidon alcoolisé. Les pères m'ont dit du village, mais ça va la misère. Sur les sourires de la madre pour me canaliser. Chotasse, chotasse, chotasse, tout le monde à terre. Chotasse, chotasse, chotasse, chotasse, tout le monde à terre. Chotasse. J'quitte le continent, j'te souhaite un bon dimanche. Elle dit oui pour la 8 pour la baisse à Gino. Wesh, Narvalo, y'a quoi à gratter ces temps-ci? J'ai Odavin, Kegger, pas Odaver, Transi. Nous, c'est les affranchis, c'est pas les apprentis. Laisse les faire des showcases. À 200 bars, c'est commis. Le joujou va les choquer. J'leur ferai la guerre, c'est promis. Des gants de couilles, un brolique. J'te fais même danser brolique. Au dos, le drapeau de l'Algérie. J'te regarde du haut de la colline. J'ai LK93 avant d'avoir le permis. J'barre au déhanguette. Tu veux ta dose SMS, envoie ton adresse. Me raconte pas ta science direct, passe à la caisse. J'ai un tas de remords et très peu de regrets. J'ai LK. Le corps du rap game entouré à la craie. La rue nous a soudé, l'argent nous a divisé. La rue nous a soudé, l'argent nous a divisé. T'as fumé ton ex-frère au guidon alcoolisé. T'as fumé ton ex-frère au guidon alcoolisé. Les pères m'ont dit du village, mais ça va la misère. Sur le sourire.